بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc bienvenue à tous. Ahlan wa sahlan wa marhaban بجميع المستمعين والمستمعات حياكم الله. Donc nous allons poursuivre Incha'Allahu Ta'ala l'explication du livre intitulé Les Trois Fondements. Livre écrit par le grand savant Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdel Wahhab, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Et nous nous sommes arrêtés à la parole de l'auteur lorsqu'il dit wa dalilu dhabh قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. La preuve concernant le sacrifice réside dans la parole d'Allah, selon la traduction, dit en vérité ma prière, mes actes de dévotion ou mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers, à lui nul associé. Et on trouve dans la Sunna, maudit soit celui qui égorge une bête pour un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici l'auteur, il nous mentionne le sacrifice. Et il faut savoir, ikhwani fillah, que le sacrifice est l'une des meilleures adorations financières, car elle regroupe deux points. Le premier point est que le sacrifice est une obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le deuxième point est que la personne qui sacrifie dépense son argent en sachant que les gens ont souvent un amour excessif pour l'argent, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans sourate al-Fajr, wa tuhibbun al-mal hubban jamma, et vous aimez les richesses d'un amour excessif. Et on peut aussi rajouter qu'en règle générale, en plus d'aimer l'argent, les gens aiment les animaux qu'ils sacrifient. Et donc le fait de donner tout ça pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Et le sacrifice, comme l'a mentionné l'éminent savant, Cheikh al-Uthaymeen, qu'Allah lui fasse miséricorde, Il consiste à causer la mort en versant le sang d'une manière particulière. Donc la définition de dhabh, donc le sacrifice, c'est le fait de causer la mort en versant le sang d'une façon particulière. Et le sacrifice est de plusieurs catégories. La première catégorie est celui qui est une adoration. Et il consiste à sacrifier un animal pour Allah, dans le but de le glorifier et de se rapprocher de lui. Et il peut être fait sans cause particulière, juste dans le but, par exemple, de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout comme il peut être fait pour une cause, telle que le sacrifice fait le jour du Eid, ou bien lors du Hajj, ou bien pour la Aqiqa. La deuxième catégorie, celui qui est du shirk, celui qui est du polythéisme. Il consiste à sacrifier un animal pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pour glorifier et se rapprocher de cet autre. Ou bien mentionner un autre nom de celui que celui d'Allah subhanahu wa ta'ala lors du sacrifice. Comme ceux, par exemple, qui sacrifient pour les anges ou les prophètes. Donc le jugement de ce sacrifice est que c'est du shirk, du polythéisme majeur. La troisième catégorie, c'est le sacrifice qui est permis, comme le fait de sacrifier un animal pour profiter de la viande. Ceci est permis. Donc après avoir mentionné les catégories de sacrifice et avant cela, après avoir défini qu'est-ce que le sacrifice, nous allons voir certains sujets relatifs au sacrifice. Le premier de ces sujets est quel est le jugement de sacrifier un animal pour Allah subhanahu wa ta'ala dans un endroit où on égorge pour autre qu'Allah, ou dans un endroit où il y est célébré des fêtes de polythéistes. Donc la réponse concernant ce sujet est que ceci est interdit. Il est interdit de sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala dans un endroit où on égorge pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou dans un endroit où il y est célébré les fêtes des polythéistes. Et nous avons une preuve dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous montre cette interdiction. Et ce hadith, il est rapporté par Abu Daoud, d'après Thabit ibn Dhahak, qu'Allah l'agrée. Il a dit, radiallahu an, un homme avait fait le serment pieux de sacrifier une chamelle à un endroit nommé Bawana. Et donc, il questionna le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, s'y trouvait-il une idole adorée dans la période anti-islamique? On lui répondit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam continua et dit, y célébrait-on une fête polythéiste? La réponse fut la même, jusqu'à la fin du hadith. Et donc ici, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé toutes ces questions, c'est pour montrer que ceci est interdit. C'est-à-dire dans le cas où il s'y trouvait une idole adorée dans la période anti-islamique, Cela aurait été interdit de sacrifier une bête à cet endroit. Ou bien, si ça aurait été dans un endroit où on y célébrait une fête des polythéistes, pareil, cela aurait été interdit. Donc il est interdit, ikhwani fillah, de faire ce genre de choses. Même si la personne va te dire, mais j'égorge pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Car c'est ce que les gens vont te dire en règle générale. Ils vont te dire, mais subhanallah, vous, chez les gens de la sunna, tout est interdit. J'égorge pour Allah. Je ne veux que l'agrément d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc ici, il est bon de mentionner la cause et la sagesse pour laquelle ceci est interdit. La cause et la sagesse pourquoi cette action est interdite. La première cause à cela, car le fait de sacrifier un animal dans un endroit où on égorge et on sacrifie pour autre qu'Allah, ceci va mener à ressembler aux mécréants. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a interdit de leur ressembler. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum ». Celui qui ressemble à un peuple, il fait partie de ce peuple. Et donc, le fait que la personne, le musulman, aille dans ce genre d'endroit où on sacrifie pour autre qu'Allah, ceci est une ressemblance aux mécréants. Aussi, il y a le fait que sacrifier dans ces endroits va pousser à ce que les gens soient troublés. Car à partir du moment où les polythéistes sacrifient pour autre qu'Allah dans cet endroit, et aussi les musulmans, alors les gens vont penser que ce que font les polythéistes est permis. Car lorsqu'une personne viendrait à passer par cet endroit, elle voit un polythéiste sacrifié pour autre qu'Allah. Ensuite, par la suite, elle voit un musulman faire la même chose. Qu'est-ce qu'elle va se dire? Elle va se dire que ce que fait le polythéiste est une bonne chose, et ceci est permis. Et aussi, le fait de sacrifier dans ce genre d'endroit renforce les polythéistes dans leur action. Et donc, lorsqu'on regarde tout ça, on voit très clairement que ceci est interdit et contraire à certaines bases et à certains fondements de l'islam. C'est pour cela qu'il est interdit de faire ce genre de choses, comme les savants l'ont mentionné. Le deuxième sujet, Ikhwani fillah, quel est le jugement de sacrifier auprès d'une tombe? Quel est le jugement de sacrifier un animal auprès d'une tombe? Concernant ce sujet, il y a plusieurs cas de figure. Le premier cas de figure est que la personne qui sacrifie auprès de cette tombe le fait pour la personne qui est dans cette tombe. Ou bien elle le fait pour autre qu'Allah, pour une autre personne. Ici, le jugement de ce sacrifice est que c'est du shirk majeur. Car cette personne-là a voué une adoration pour autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le deuxième cas de figure, lorsque la personne va sacrifier auprès de cette tombe, mais qu'elle le fait pour Allah, elle le fait pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Ici, le jugement de ce sacrifice est qu'il est interdit. Il est interdit de sacrifier auprès d'une tombe pour les raisons suivantes. Premièrement, car ceci fait partie des pratiques des gens dans la djahiliya. En effet, dans la djahiliya, qu'est-ce que les gens faisaient? Ils sacrifiaient auprès d'une tombe. D'accord? La tombe d'une personne généreuse. En pensant que celui qui allait sacrifier allait prendre et allait avoir des bonnes actions, allait obtenir les bonnes actions de cette personne généreuse. Deuxièmement, car si cela aurait été permis, les salafs l'auraient fait. Si le fait de sacrifier un animal auprès d'une tombe aurait été permis, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'auraient fait. Et aussi les tabi'in. Et ensuite, ceux qui suivent les tabi'in, c'est-à-dire tabi'u tabi'in, ils auraient fait cette action. Surtout que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Khayrun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, les meilleures personnes sont les gens de mon époque, c'est-à-dire les compagnons. Ensuite, ceux qui les suivent, c'est-à-dire les tabi'in. Ensuite, ceux qui les suivent, c'est-à-dire tabi'u tabi'in. Et il ne nous a pas été rapporté qu'un compagnon ait fait cette chose-là, ni une personne parmi les tabi'in. Et ceci nous montre clairement que cette chose est interdite. Car s'il y aurait eu du bien dans cette chose, et si cette chose-là aurait été légiférée, alors il l'aurait fait. Alors il l'aurait fait. Donc il y a deux cas de figure. Soit la personne égorge pour autre qu'Allah, et dans ce cas-là, c'est du shirk majeur, ou bien elle sacrifie pour Allah subhanahu wa ta'ala auprès de cette tombe, d'accord? Et dans ce cas-là, c'est interdit. En sachant que les savants, ils ont dit que le fait d'égorger auprès d'une tombe, de sacrifier un animal auprès d'une tombe, ceci peut mener au polythéisme. Ceci peut mener au polythéisme. Pourquoi? Car peut-être, au départ, elle va sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, elle va finir par sacrifier pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ceci est strictement interdit. Le troisième sujet concernant le sacrifice, quel est le jugement de sacrifier un animal après la construction d'une maison? Après la construction d'une maison. Ça, c'est une pratique, ikhwani fillah, qu'on retrouve dans certains pays. Une personne qui vient à finir la construction de sa maison, souvent, qu'est-ce qu'il fait? Il sacrifie un animal. Donc la question qu'on se pose est quel est le jugement de cette action? Il faut tout d'abord savoir que concernant cette action, il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est lorsque la personne sacrifie par peur des djinns. Elle sacrifie par peur des djinns, car elle ne veut pas être embêtée par les djinns dans cette maison. Et donc elle sacrifie par peur des djinns. Et ceci est du polythéisme majeur. Même si cette personne viendrait a mentionné le nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le deuxième cas de figure, c'est lorsque la personne sacrifie car elle est contente. Car elle est contente et car elle est heureuse. Et pour remercier les bienfaits, remercier Allah, subhanahu wa ta'ala, pour les bienfaits qu'il lui a donné. Et ceci n'est pas interdit. Il n'y a pas de mal dans cela. Et c'est ce que certains savants ont mentionné, tel que l'éminent savant Ashir Salih al-Fawzan. Dans son livre intitulé I'anatul Mustafid ala Kitab al-Tawhid, dans l'explication de Kitab al-Tawhid, il mentionne cela. Et il mentionne que le fait de sacrifier un animal, dans ce cas-là, il n'y a pas de mal. Donc une personne qui viendrait à faire ce genre de choses, d'accord, qui viendrait à sacrifier un animal, par exemple, inviter les voisins, etc., d'accord, pour manger la viande et pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits, il n'y a pas de mal dans cela. Il n'y a pas de mal dans cela. L'autre sujet aussi que nous allons voir concernant le sacrifice est le jugement de sacrifier un animal pour la venue d'une personne importante. Pour la venue d'une personne importante, par exemple pour la venue du gouverneur. Et ça aussi, c'est une pratique qui est faite dans certains pays. D'accord? Dans certains pays, lorsque le gouverneur vient, qu'est-ce que les gens font? Ils sacrifient une bête. Ils sacrifient une bête. Et ici, encore une fois, il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est lorsque la personne va sacrifier un animal pour immensifier cette personne, pour immensifier par exemple ce gouverneur, et pour se rapprocher de ce gouverneur. Et ceci est interdit. Et le jugement de cette action dans ce cas de figure, c'est que c'est du polythéisme majeur. Et les savants, ils nous ont donné un moyen de savoir. Les savants, ils nous ont donné un moyen de savoir, un moyen de reconnaître quand est-ce que la personne sacrifie, d'accord, pour immensifier cette personne et pour se rapprocher d'elle. Et ils nous ont mentionné que c'est lorsque la personne délaisse cette viande, délaisse cet animal. C'est-à-dire, elle le sacrifie et elle le laisse comme ça. Et par exemple, des fois, elle va le jeter. Elle ne va pas, par exemple, cuisiner la viande, etc. Pourquoi? Parce que son seul but ici, c'est de faire couler le sang de cet animal pour immensifier cette personne. Et donc, dans ce cas-là, ceci est du polythéisme majeur, comme nous l'avons mentionné précédemment. Le deuxième cas de figure, c'est lorsque la personne va sacrifier un animal, d'accord, pour honorer cette personne importante. D'accord? Elle veut l'honorer, elle veut honorer aussi ses invités. Et dans ce cas-là, ceci ne rentre pas dans le polythéisme. Et ceci est autorisé. Ceci est certes autorisé. Et pareil, les savants, ils nous ont mentionné une petite, on va dire une astuce pour savoir, d'accord, et pour reconnaître ce cas de figure. Et ils ont dit en règle générale, dans ce cas de figure, la personne, elle sacrifie la bête, ensuite elle la cuisine, elle la prépare pour ses invités. Et ici, il n'y a pas de mal, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, à faire cela. C'est-à-dire de sacrifier un animal pour honorer son hôte. Et c'est certes une pratique qui est connue chez les Arabes. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Et le dernier sujet, Ikhwani fillah, concernant le sacrifice, quelle est la sagesse de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et de le glorifier par le sacrifice? Quelle est la sagesse derrière cela? La réponse à cette question, Ikhwani fillah, c'est pour obtenir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et aussi le fait d'accomplir l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala en mentionnant son nom. Et la preuve de cela réside dans le verset 37 de sourate Al-Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, selon la traduction rapprochée, ni leur chair ni leur sang ne parviendront à Allah, mais c'est votre piété qui lui parviendra. Ainsi vous a-t-il soumis afin que vous proclamez la grandeur d'Allah pour vous guider, fait bonne annonce aux bienfaisants. Naam. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire en résumé concernant donc le sacrifice, ce qu'on appelle al-dhabh. Ensuite, l'auteur, il dit وَدَلِيلُ النَّذْرِ قَوْلُهُ تَعَالَى يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. Donc la preuve concernant le serment pieux réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: ils accomplissent leurs vœux et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout. Donc ici l'auteur, ikhwani fillah, il nous mentionne ce qu'on appelle an-nadhr, le serment pieux. Et le serment pieux, ikhwani fillah, consiste à s'imposer une chose à faire ou une adoration non obligatoire. Donc c'est le fait de s'imposer une chose à faire ou une adoration non obligatoire. Par exemple, une personne, imaginons que Zayd dit: je fais le serment pieux de jeûner le lundi et le jeudi. Le fait de jeûner le lundi et le jeudi n'est pas obligatoire. Mais à partir du moment où Zayd a formulé, d'accord, ou a dit cette parole, c'est-à-dire: je fais le serment pieux de jeûner pour Allah subhanahu wa ta'ala le lundi et le jeudi, ceci devient pour lui obligatoire. Donc ici, il s'est imposé une chose à faire. D'accord ? Il s'est imposé une adoration qui n'est pas obligatoire. Car jeûner le lundi et le jeudi n'est pas obligatoire. Donc à partir du moment où Zayd dit cette parole, je fais le serment pieux de jeûner le lundi et le jeudi par exemple, le jeûne du lundi et du jeudi lui est obligatoire. Lui est obligatoire. Et d'un point de vue général, le serment pieux se divise en deux catégories: al-nadhr al-mutlaq et al-nadhr al-muqayyad. Le nadhr al-mutlaq, c'est le serment pieux sans condition. C'est-à-dire que tu n'émets pas de condition. Tu dis par exemple: je fais le serment pieux de donner 100 euros en aumône. Tu n'émets aucune condition. Donc ceci est la première catégorie d'un point de vue général du serment pieux. Le fait de faire un serment pieux et de ne pas émettre une condition. La deuxième catégorie est le serment pieux avec condition. Tu dis par exemple: si Allah guérit mon père, alors je vais jeûner le lundi et le jeudi. Ici, tu as émis une condition. D'accord ? Ici, tu as émis une condition. Et c'est la guérison de ton père. Donc, d'un point de vue général, le serment pieux se divise en deux catégories: sans condition et avec condition. Et le serment pieux, ikhwani fillah, les savants ont divergé concernant son jugement. Ils ont divergé concernant son jugement. D'un point de vue, ils ont divergé, et d'un point de vue, ils sont unanimes. Ils ont divergé concernant le fait de faire un vœu pieux. Ils ont divergé concernant le fait de faire un vœu pieux. Mais ils sont unanimes concernant le fait que si la personne viendrait à faire un vœu pieux, il lui est obligatoire de réaliser ce vœu pieux. Je m'explique. Selon eux, D'accord? Ils ont divergé concernant le fait de dire de s'imposer une chose à faire ou une adoration non obligatoire. Mais par contre, à partir du moment où tu as dit cette chose-là, tu t'es imposé cette chose, ils sont unanimes que tu es dans l'obligation, d'accord, de faire ce que tu as dit. Et donc, concernant le fait de faire un vœu pieux, ils ont divergé en trois avis. Le premier avis, c'est le fait que faire un vœu pieux, que ça soit un vœu pieux avec ou sans condition, est détestable. Donc ces savants-là, ils sont d'avis que faire un vœu pieux, que ça soit Afouane, que ça soit un vœu pieux avec condition ou sans condition, c'est détestable. Et ces savants-là, ils se sont basés sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit: le serment pieux n'apporte rien de bon si ce n'est obliger l'avare à dépenser. Donc ils ont dit que ce hadith montre que ceci est détestable. Ceci montre que le serment pieux est détestable. Ensuite, nous avons le deuxième avis. Et selon cet avis, il est interdit de faire un vœu pieux. C'est-à-dire qu'il est interdit de s'imposer une chose à faire ou une adoration non obligatoire. Et que si la personne viendra à faire cela, elle prend un péché. Elle prend un péché. Et ils se sont basés sur le même hadith que les savants du premier avis. C'est-à-dire le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: le serment pieux n'apporte rien de bon si ce n'est obliger l'avare à dépenser. Et donc, selon eux, ce hadith montre que ceci est interdit. Que ça soit le serment pieux avec condition ou sans condition. Et cet avis-là, c'est l'avis qu'a choisi Cheikhoul Islam Ibn Taymiyyah. Et le troisième avis, certains savants ont détaillé. Et ils ont dit que dans le cas où le vœu pieux est en rapport avec quelque chose de financier, d'accord? Dans le cas où le vœu pieux, ou le serment pieux est en rapport avec quelque chose de financier, ceci est interdit. Ceci est interdit. C'est-à-dire qu'il est interdit pour la personne de faire le serment pieux, par exemple de donner tant d'argent en aumône, ou de dépenser son argent pour faire des sadaqat. Al-Muhim, que ça a un lien avec l'argent, avec les biens. Ensuite, ils ont dit, mais par contre, si c'est le fait de faire un vœu pieux pour jeûner, pour faire la prière ou ce genre de choses, alors il n'y a pas de mal dans cela. Alors il n'y a pas de mal dans cela. Et donc là, on voit clairement qu'il y a beaucoup d'avis concernant ce sujet. Mais qu'on prenne le premier avis, le deuxième ou le troisième, dans tous les cas, si la personne vient à faire un vœu pieux, il lui est obligatoire. Il lui est obligatoire, d'accord, de faire ce vœu pieux et de le réaliser. À part si elle a fait le vœu pieux de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Car cette obligation, c'est pour le vœu pieux d'obéissance. Lorsque la personne a fait le serment pieux d'obéir à Allah, subhanahu wa ta'ala. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui fait le serment d'accomplir un acte d'obéissance l'accomplisse. Donc si tu as fait le serment pieux de jeûner 3 jours ou 5 jours, ou par exemple de donner en aumône tant d'argent, tu es dans l'obligation de faire cette chose. Tu es dans l'obligation de faire cette chose. Par contre, si tu as fait le vœu pieux de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, il t'est interdit de le faire et de le réaliser. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui fait le serment de désobéir à Allah, qu'il ne lui désobéisse pas. Et donc il t'est interdit ici de réaliser et de faire ton serment pieux. Et nous allons finir ce cours par mentionner un sujet qui est le suivant. Qu'est-ce que doit faire la personne qui a fait un serment pieux et qui ne l'a pas réalisé? Imaginons que Zayd viendra à dire: je fais le serment pieux de jeûner un mois entier pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais après cela, Zayd ne jeûne pas un mois entier. Qu'est-ce qu'il doit faire? Doit-il donner une expiation ou non? La réponse est na'am. Il doit ici donner une expiation et ceci est obligatoire pour lui. Et l'expiation du serment pieux qui n'a pas été fait est la même expiation de celui qui viendrait à jurer et qui ne respecte pas, d'accord, ce qu'il a, par quoi il a juré. C'est-à-dire, il a juré, par exemple, de ne plus parler à une personne, ou par exemple, il a juré de ne pas faire telle ou telle chose, et il viendrait à faire cette chose-là. D'accord? C'est la même expiation. Et cette expiation, elle est venue dans le verset 89 de sourate La Table Servie. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: « La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum » ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. الله سبحانه وتعالى il dit selon la traduction: Allah ne vous tient pas rigueur pour vos serment prononcé à la légère, mais pour ceux que vous avez eu l'intention ferme d'exécuter. L'expiation consiste à nourrir 10 pauvres de ce dont vous nourrissez habituellement vos familles, ou à les vêtir, ou à affranchir un esclave. Quiconque ne peut s'acquitter de ceci, qu'il jeûne 3 jours. Telle est l'expiation pour les serments que vous prononcez. Préservez vos serments, ainsi Allah vous explique ces versets, afin que vous soyez reconnaissants. Et donc, celui qui a fait un vœu pieux et qui ne l'a pas respecté, il doit nourrir 10 pauvres. Il doit nourrir 10 pauvres. S'il ne peut pas, il doit alors les vêtir. S'il ne peut pas, il doit affranchir un esclave. Et s'il ne peut rien faire de tout ça, alors il doit jeûner. Alors il doit jeûner 3 jours. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Et avec ça, on a, par la grâce d'Allah, terminé le premier fondement. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, on commencera l'étude du deuxième fondement, Inch'Allah ta'ala nam.